lay bon lippol e wax li ni ni amon na fi dana am dana wa bi buma lewé na ngeen rédé ben tubab la won dem sénégal nak tassé magal touba mu top gaay dugg ci camion ki ñum tuddu ci sax tu tap neena non du fo tollu ñeumbeut ma ngok tuba bi yek ci ñeumbeut bi ak grand yi ñuy dem mais mom xamul won ne ñeumbeut bi bu rombé garab gaay dañuy waaf dañ nan waaf ñepp waaf tuba bi nak comprendre ñu romb ben garab rek ñepp waaf tuba bi jël garab gi keñ rek xam yow hôpital parents mi tuba bi ndessane set ci ko xam nga tuba bi rek ñuñ mel fessel neeg bi bouquet de fleur tuba bi xip gis fleur rek waaf waaf